Et je ne suis pas dehors. Je m'atteins glaçons qui font ses cons. Jibiricane, les fleurs se fanent. Des lettres dans un tiroir qui parlent de toi si fort. Et un pianiste dans le noir qui exorcise l'ébène, l'ivoire. Et mon cœur se balance sur un accent du Nord. Un cocktail pina colada, moi qui me croyais si fort. C'est comme un rêve, je veux pas me réveiller. C'est comme un rêve, faut pas me réveiller. Comme un rêve, comme un rêve. Il est tard ce soir, je vais prendre un verre dehors. Je resterai pas seul, non j'ai pas tort. La fièvre mort, je t'aime plus fort. Et je suis plus comme avant. Il est tard ce soir et mon âme tourne en rond. De pierre en boîte, de boîte en bas, je cherche partout dans le moindre trou tes cheveux blonds, des tulipes et des moulins à vent. Je cherche celle si belle sans phare, juste la brume comme un foulard. Je sais bien, le passé n'est plus l'avenir, n'est pas encore. Permets-moi seulement de sommeiller en parcourant ton corps. C'est comme un rêve, mais je vais me réveiller. T'es comme un rêve, il faut me réveiller. Comme un rêve, oh, oh, oh, oh. Comme un rêve. C'est bientôt le matin et j'ai même pas de chagrin. Prendre la main, moi j'ai tout le temps. Je voudrais savoir pourquoi, comment. Je suis plus comme un...